Et est-ce que toi, tu peux dire que tu étais inséré avant la prison? Non, j'ai perdu mon indépendance, j'ai perdu le caractère social, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu des membres de ma famille, j'étais coupée du monde, j'étais en prison avant d'être dans la prison. Voilà. Donc c'est ici que j'ai réappris à avoir des contacts sociaux, que j'ai pris des décisions de certaines relations et de faire plein de choses. Et j'ai pu me retrouver à l'authentique qui correspond à moi-même, avec toute cette liberté aussi de ne plus être cloisonné dans un univers où tout a dégringolé en fait.